à compter du 31 décembre, la première va cesser d'émettre en ondes moyennes. Pour continuer à nous écouter, basculez votre récepteur radio en FM sur la fréquence de votre ville. Vous pouvez également nous écouter en direct en DAB+, via l'application Radio Player ou sur Ovio. Il est 19h. David Risson, bonsoir à tous. Belle robe, beau costume, deux bulles, une bonne table bien décorée, la présence de votre famille ou de vos amis. Voilà sans doute les ingrédients d'un réveillon de la Saint-Sylvestre bien réussi pour la plupart d'entre vous. Plus que 5 heures avant de dire au revoir à 2018 et bonjour à 2019. Si nous, les festivités auront lieu à de nombreux endroits dans le pays, notamment à Bruxelles. Le feu d'artifice sera tiré comme l'an dernier depuis le plateau du Ezel, tout près de la Pénienne. Attention, ne traînez pas pour rejoindre le site ou l'ouverture des 19h30, c'est-à-dire dans une demi-heure, fermeture 21h30. Place ensuite à un spectacle avant le décompte et le feu d'artifice d'une vingtaine de minutes qui sera tiré à minuit. Du PZL qui nous en fait le choix. Ceux d'artifice sont à Bruxelles, ce soir. Là aussi, c'est un événement incontournable. Ce soir, place à un grand show de 12 minutes avec 14 tableaux multicolores. Pas moins de 1000 projectiles seront tirés sur des lunettes de l'artifice. Comme pour la mode, les ceux d'artifice connaissent des tendances. C'est ce qu'explique les gens français qui a mis au point le spectacle de ceux. Il y a des modes qui sont mis chaque année. Une recherche permanente d'effets, de couleurs. On va un petit peu rechercher aux quatre coins du monde ce qui se fait, c'est l'un, c'est l'autre, pourquoi justement, expliquer l'intérêt du public. Et la mode justement, quelle est-elle en 2018? Je pense qu'elle est sur des effets de changement de couleur, sur des effets un peu disco, un peu fantôme. Sur des effets également de tourbillons, de serpenteaux, voilà, quelque chose d'assez spécifique. Une interview signée Marc-Hilde Seine, ce fait l'artifice. Depuis l'esplanade Saint-Léonard. Plusieurs pays ont déjà franchi le cap de 2019. Les îles Samoa, dans l'océan Pacifique, ont été les premières à fêter la nouvelle année. Il n'était que 11h ce matin, chez nous. Une heure plus tard, la Nouvelle-Zélande a également passé le cap de l'année nouvelle. À 14h heure belge, la baie de Sydney s'est à son tour illuminée de son feu d'artifice. Et puis dans le courant de l'après-midi, le Japon et la Chine notamment ont basculé en 2019. Pour les pays du Moyen-Orient, d'Afrique et les pays européens, il faut attendre encore un tout petit peu avant, bien sûr, en tout cas, le continent américain. Le passage à l'envers sera scruté particulièrement à Paris. Les festivités vont se dérouler sous haute sécurité dans le cœur touristique de la capitale française. Un périmètre a été dressé autour des Champs-Élysées avec des points de filtrage, des contrôles dans les transports en commun également. Il faut dire que des gilets jaunes ont promis un rassemblement ce soir, un événement festif qui s'annonçait qu'il soit non violent. De son côté, Emmanuel Macron, lui, va tenter de reprendre le cap de son quinquennat. Il adressera ses vœux aux Français à 20h. Un ultime discours de l'année 2018 qui a vu sa popularité s'effondrer. Le président va, selon un proche, user de mots marquants comme autorité, rassemblement, avec le double défi d'apaiser les colères dans son pays et de relancer son programme de réforme. Ce soir, vous allez réveiller en famille avec des amis, on l'a dit. Peut-être allez-vous aussi franchir la porte d'une discothèque. Et si c'est le cas, eh bien, il est très probable que vous vous déhanchiez sur ce sujet. Sorti en 1979, chanté par Patrick Hernandez, un tube indémodable, Born to be Alive, un des grands cartons de l'incroyable producteur micronois Jean Vanneau. Décédé en 2000, presque dans l'anonymat, Jean Vanneau est à l'honneur ce soir dans un documentaire qui sera diffusé sur la 2 en télé. Beaucoup de témoignages dans ce film, et on les doit à un jeune cinéaste, Mourcenois, lui aussi, Julien Segar. Il n'a pas connu personnellement Jean Vanneau, mais grâce à ses proches et certains de ses associés, il nous raconte la fabuleuse histoire d'un producteur de l'univers. C'est ça qui m'a touché, c'est d'avoir un personnage comme ça, complètement autodidacte, qui n'a aucune formation en musique, il ne connaissait rien du tout, il n'a aucune notion de solfège, et juste par instinct, par envie, par passion, il a persévéré, il s'est cassé la gueule très souvent, mais dans ses nombreuses productions, il y a des coups de génie, quoi, il y a des éclairs de génie, et en fait, c'est ça qui m'a fasciné, c'est le c'est le personnage qui tombe et qui se relève à chaque fois et qui envers et contre tout continue et poursuit un objectif animé par une vision et surtout une passion. Et je pense que plus que la musique, ce qui me passionnait, c'était surtout les gens qui allaient écouter cette musique. Ils ne cherchaient pas à être reconnus par, je pense, les gens de la profession. Ils cherchaient surtout l'adhésion du grand public. Interview Marianne Brino, Jean Vanneau, Kinderslet, c'est à voir ce soir sur la BTV, 21h30. Pour l'heure, c'est la fin de ce journal. Permettez-moi déjà de vous souhaiter une belle et heureuse année 2020. Merci beaucoup, David. Disons que la batterie roule. Oui. Le rideau se lève. Bien. Toi, tu l'as préparé par là. Oui. Moi, je vais par là. Et le spectacle commence. Ah, ah. Les radios francophones publiques présentent Charles Lazare sur ma vie. Une émission de Francis Legault. Charles Lazare, les comédiens. Je ne pense pas au film à l'arrivée, je pense au film au départ. Et j'ai fait un film parce qu'il me plaisait de le faire. Maintenant qu'un film était moins réussi à la fin, c'est une autre. Les comédiens. Les comédiens. Les musiciens. Les magiciens. Moreau. Charles Lazare, c'est l'intensité. Une intensité d'autant plus vibrante qu'elle est souvent freinée, contenue. C'est l'intensité de l'auteur, aux paroles de Sof, aux mots qui appellent l'énergie, et c'est celle du compositeur qui peut communiquer à une mélodie qui s'approche et la conduire à son paroxysme. Charles Lazare, c'est encore l'intensité du senteur, tendu et sensibilisé à fleur de peau, brûlé par son rythme, marquant le tempo d'un coup de canon rageur. Le senteur s'exprime avec cette voix étrange que l'émotion semble parfois briser davantage encore, avec ses gestes étonnants qui s'envolent en ses arabesques, pour retomber ensuite avec la précision et la frustration sortie. Charles et la goutte de mercure éternellement frémissante. Les comédiens ont parcouru les tours, ils ont donné la parade à grand enfant de tour. Devant l'église, une roulotte peint en vert, avec une frange d'un soir blanc et l'hiver. Et derrière eux, un matin, un enfant de nuit, ils ont donné tout le pays, les comédiens. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens, qui arrivent bien. Qui a chanté, qui a aimé la chanson, qui a écrit, etc. C'est un acte. Et je trouve que ça, c'est formidable. Alors, quand il y a cette formation et le talent, magnifique, je connais bien. Parallèlement à son métier de viseur, de chanteur, de chanteur, c'est un homme qui m'a fait beaucoup, beaucoup. Et en même temps, il le chante, mais il est lourd. Alors, ça, c'est tout à fait surprenant. C'est en 1963 que le jeune américain Jonathan Bonny, celui qui 30 ans plus tard réalisera les films Philadelphia et Le silence des agneaux, découvre Charles Aznavour. C'était dans le film Tiré sur le toit. The first time I saw, or even heard, of Charles Aznavour, I was living in Florida. I was kind of a country boy. La première fois que j'ai vu Charles Aznavour, je vivais en Floride, dans un milieu rural. J'étais allé dans un petit cinéma où l'on présentait un film français intitulé « Tiré sur le pianiste ». Malgré le fait que le film était sous-titré, j'ai acheté un billet et c'est là que j'ai fait la connaissance de Charles Aznavour. There, for the first time, I encountered Charles Aznavour. Aujourd'hui, Charles Aznavour, votre dernier film sort à Paris, c'est-à-dire Tiré sur le pianiste. Hein? Quel est votre rôle dans ce film? Le pianiste, bien entendu. Je suis un pianiste, qui a un nombre impressionnant d'aventures. Mais pas d'aventures amoureuses, il y en a aussi d'aventures sur le plan de la vie. Il a une vie assez mouvementée. Vous êtes un pianiste classique ou un pianiste jazz? Je commence par être un pianiste classique et ensuite je finis comme pianiste de bar. Déchéant. Oui, habituellement, les acteurs de musical, quand ils font un film, débutent par exemple comme garagiste et terminent vedette. Là, nous avons fait avec François Truffaut exactement le contraire. François Truffaut. Un homme comme Aznavour, c'est par complètement la vie de la question, mais vraiment, il y avait chez lui des choses, c'est ça que je croyais avoir observé chez lui. Il y a des choses en rapport. C'est un homme qui, justement, a été très pauvre, a connu maintenant un très grand succès. J'ai lu beaucoup de notations sur ce festival d'esprit, sur ce passage de la pauvreté. Et lui a toujours gardé une distance formidable, simplement un homme qui arrive, comme ça il vient faire son métier, le fait admirablement, puis repart chez lui, ça ne le modifie pas, et la barrière reste très grande chez lui. Alors que chez une femme, justement comme Jeanne Moreau, par exemple, parce que le sentiment vit davantage, elle se modifie au fur et à mesure du film, elle passe par des crises, par des formes d'état, enfin, c'est très passionnant à observer, en même temps, ça crée aussi des difficultés, beaucoup d'avantages. Alors ce film, c'était sur le pianiste, est-ce que vous voyez vraiment le piano, c'était du pédale? Non, non, c'est vraiment du piano, mais il faut, alors là, il faut tirer le chapeau à Lucien Calogero, on connaît le Calogero, mais il y a autre chose. Donc moi, je jouais et j'inventais des mélodies parce qu'il fallait que je joue et que je voulais faire un morceau, j'inventais dans son cerveau. Et lui a réécrit sur mon doigté cette merveilleuse musique qu'il y a dans le film. Ça reste un de mes films les plus importants. C'est la première fois que j'ai joué à l'Arménien et j'en ai pas joué pendant 22 ans après. C'est la rencontre avec Soso qui a été déterminant. J'ai appris mille choses à travers le show. J'aime beaucoup jouer le festival. J'aime beaucoup jouer. Et le premier acteur d'acteur, vous trouvez bien? Ah oui, il est formidable. Oui, oui. C'est un type qui travaille. C'est normal d'ailleurs. Il travaille dans la nuance, dans la dentelle. Et il fait dans la dentelle. C'est quand même. Lui, il fait dans la dentelle. Et donc, c'est un acteur très fin et très subtil. Ça fait partie de ces gens, quand on fait le montage du film, on s'aperçoit de la quantité de cadeaux qu'ils ont fait comme ça en nous. Le réalisateur Jonathan Bennett. The memory of watching that film is etched in my brain. I think it's a great film, but it's also a great. Je pense que c'est un excellent film, mais surtout que Charles Aznavour offre une prestation tout à fait remarquable. À l'époque, je devais avoir environ 21 ans. Il est devenu mon héros. And this guy became my hero. Et c'est seulement lorsque je suis déménagé à New York, environ un an plus tard, que j'ai découvert que ce merveilleux acteur était également un chanteur extraordinaire. The piano player was also an extraordinary singer. C'est sûr qu'un sale a une intensité dramatique. C'est fabuleux. La seule chose, c'est qu'il n'a pas toujours su choisir ses films. Ça, ça a été un problème. Et il y a des titres moins intéressants, et il méritait plus. Que je reproche au producteur de ne pas l'avoir employé souvent dans des films d'une importance capitale, que c'est un acteur de haute qualité. Et à part Taxi pour Tombeau, que j'ai bien aimé le tambour. Il était exceptionnel. Il était aussi. Le tambour était génial aussi. Et c'est des films comme ça dans lesquels il a dû se défendre. Il a cette sobriété aussi. Et ce gestuel qu'il arrive à dominer, à. Il est copain avec son corps. Il a toujours ce sens de trouver le moment où il faut faire son geste. Même si c'est un geste puissant. Alors il surprend toujours. Il est toujours en contact avec son genre. Et en même temps, son gestuel s'en vient pas à cuisine. Il vient comme une espèce de complément pour une espèce de dialogue avec la France nouvelle. C'est un trémolo corporel. La comédienne et metteur en scène québécoise, Denise Cliapré. Je vais revenir au cinéma, c'est une question d'un merveilleux acteur. Au cinéma d'un taxi pour tout le coup, il n'y avait pas un mot, il n'y avait pas un mot, il n'y avait pas une ligne de dialogue, rien. Du début de la fin, vous voyez. On va dire que Zemmour a aussi pour cette espèce de tracteur pour le long du film. On dira mot. Il me présente. Extraordinaire. La présence, on l'a ou on ne l'a pas. Ça ne s'explique pas. Le talent, c'est là où tu ne l'as pas. Le timing, c'est là où tu ne l'as pas. Ça ne s'apprend pas. On est cinq personnes entrées dans une pièce. Il y en a une qu'on va remarquer. C'est cette petite grande, ronde, maigre, laide. Elle a une présence. Cette personne a une présence. Zemmour a ça en plus de son grand-parent. Il a une présence. Il l'a. Avec un serviteur comme elle. Carla Jadot se souvient du tournage d'un taxi pour Soumbrou. Avec Ventura, avec Marie-Claude et avec Bureau, on était tout le temps. Alors c'était les plaisanteries. On arrivait même à faire la cuisine parce qu'on n'avait pas tellement la cuisine espagnole, il faut bien le dire, là où on était. Les gens faisaient la cuisine, moi j'ai fait la cuisine. On prenait nos petits déjeuners ensemble. Et puis, vous dire à quel point c'était devenu une complicité. Atelier nous avait demandé de garder nos uniformes sans jamais les laver. C'est-à-dire que pendant près de 3 mois, nous n'avons pas lavé les uniformes. Ils tenaient debout. Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient qu'il y ait une sorte de vérité. Et on avait terminé comme des piou-piou avec des plaisanteries idiotes. Mais on riait comme des dingues. C'est drôle quand un petit peu de Ventura nous a quittés comme ça. Oui, ça fait un coup, mais ces derniers temps, on a eu beaucoup de choses. J'ai perdu beaucoup d'amis. Ce qui fait que j'ai pris la décision d'aller voyager et de voir mes amis où ils se trouvent, pour ne pas me dire après, oh, j'aurais dû le voir plus souvent. Mon cœur se trouve au bout du monde, et moi je suis au bout, comptant les heures. Cet appel à Aznavour comme le film Le Temps. Il fallait un personnage un peu féerique, parce que bien que le film, comment dire, est à la fois très réaliste et très grotesque, mais ce personnage-là qui se fait danser, c'est très important qu'il, comment dire, qu'il ait une grande poésie. Et ça, c'était une idée pour Aznavour, mais comme c'est un premier rôle, on avait discuté avec un producteur Anatole Dumont et on a dit qu'on va en comment dire un comédien moyennement connu. Et si on a eu l'idée au contraire, et il faut absolument être honnête pour ce rôle, parce que le rôle est très court. Inconnu, ça fait moins de choc que si une vedette se tue. Voilà les deux raisons pour avoir choisi avec un bon. En fait, avant toute chose, je cherche à connaître le réalisateur le mieux possible. C'est la manière dont il me présente le film, la manière dont il me raconte le scénario, l'influence en premier lieu. Et ensuite, je m'intéresse au scénario, je vois s'il est pour moi ou pas pour moi, mais en fait, c'est pour l'instant aussi que c'est calculé. Et je pense que si le metteur en scène et l'acteur ne se comprennent pas parfaitement, il ne peut pas y avoir de contact et de communion dans le film. Je ne savais pas que Charles trouvait ça un de ses rôles les plus marquants, mais je sais qu'il a été très touché de le jouer. Pour lui, c'était évidemment sur l'arrière-plan de l'Holocauste, il était le seul représentant de ceux qui étaient vraiment persécutés par le régime des nazis. Et alors lui, arménien, il parlait souvent de l'Holocauste des Arméniens, a parfaitement mesurer toute la tragédie sur le plan émotionnel et de se voir représenter le peuple juif ou arménien, ça lui a beaucoup plu à tel point qu'il a attribué une idée très forte au scénario et que lui il est un peu le complice des infidélités de la mère d'Oscar tout en la convoitant sans doute un peu au moins platoniquement. Quand elle s'est tuée aussi, il veut se rendre au cimetière et les nazis le chassent du cimetière. Alors il a eu cette idée qu'une fois l'enterrement terminé, il va retourner au cimetière et il va dire le kaddish, la prière des morts et juifs. Et moi j'ai tout de suite retenu cette idée. Pour être plus naturel possible, il vaut mieux jouer son personnage. Il est un des mêmes que le gabin, et toujours un peu gabin à travers tout le talent qu'il a. Il y a une très grande discipline dans notre métier, et puis, comme on est seul devant un public, il nous est beaucoup plus facile par la suite d'être un partenaire beaucoup plus calme, beaucoup plus sage. Aznavour est complètement intuitif quand nous tournions. On ne communique pas par des arguments intellectuels, on communique par intuition, par complicité. Simplement, je veux dire, en partage. Certaines humanités, c'est très fort chez lui. Et je ne crois pas qu'il a fallu plus de trois mots à chaque fois pour expliquer la situation et voir comment le faire. Ça se faisait tout à fait à l'unisson. L'orchestrateur, Christian Gobert. C'est lui qui est heureux, comme moi devant une cause, ils sont mal. D'ailleurs, il s'était écrit en tant qu'auteur. Je suis très mal. C'est vrai qu'il n'y a pas lieu de le cacher. C'est-à-dire, un artiste, c'est un caboteur. Et donc, il est parfaitement fils de la tête. Il faut quand même donner des sentiments aux gens dans ces métiers-là qu'on est content que ce soit d'être apprécié, d'être aimé. D'être aimé. Voilà. Si on n'a pas ce besoin d'être aimé, je crois que c'est difficile de faire un métier comme ça. temps qu'on peut rentrer dans sa peau. D'abord par ses costumes, puisque j'ai une blouse de vendeur à la Samaritaine, c'est qu'à partir du moment où on a quelque chose sur le dos, on a l'impression qu'on devient le personnage du costume. On est un militaire, on fait autre chose un peu militaire. Quand on devient un vendeur, on a envie de vendre quelque chose. Moi, j'appelle pour ça un son rôle, parce que dès qu'il apparaît, ça fait quelque chose de primordial et que ça va donner le temps. Oui, je vous connais bien et à l'intrigue. Du film Les Dragueurs, Jean-Pierre Mocky. Et c'est vrai que c'est un garçon qui, malheureusement, n'a pas su mener sa carrière de cinéma, parce que sa carrière de musical a été prédominante. Et après, il a voulu se sortir des rôles chaplinesques. Et à l'exception de Anthony Chapelier, où il jouait également un personnage perdu, etc., il a voulu jouer des jeunes premiers. Or, malheureusement, sa taille, il ne pouvait pas faire ça. Donc, il a voulu le faire, et pendant une dizaine d'années, il a été dans des films qui l'ont un petit peu, qui l'ont déstabilisé sur son cinéma. Notamment, c'est un film formidable, il peut faire des très belles choses au cinéma. Sorti du film Le Temps des loups, Jacques Chancel reçoit Charles Aznavour à son émission Radio Scotty. Le film pour vous, c'est une nouvelle étape. Oui, c'est une nouvelle étape parce que pour une fois, je suis un homme mûr dans un film. Jusqu'ici, j'étais entre deux âges. Je ne savais pas très bien le sujet, je ne savais pas très bien. J'étais un homme fort ou un homme faible. J'étais toujours un homme faible durant le film, mais à la fin du film, j'avais une certaine force. Ça me plaît, je suis un homme fort avec certaines faiblesses. C'était dans ce film. Totalement retourné, mais cette petite différence est importante. Dans ce film, vous tenez le rôle d'un commissaire de police. Oui. C'est votre goût de l'ordre qui vous a conduit à tenir ce rôle. Non. C'est le fait qu'il n'y avait pas de commissaire de police qui avait été représenté à l'écran, jusqu'ici, avec mon physique et enfin ma taille et ma corpulence. On n'y croit pas, votre physique, dans la peau d'un commissaire de police? Moi, j'y crois, je l'ai vu, le film. Après avoir vu le film, peut-être que vous y croyez, mais au départ, si on vous avait dit, elle va tourner un commissaire de police, est-ce que vous auriez cru à ça? Sinon, lui, en revanche, Aznavour va jouer un rôle de truand. Oui, on y croit tout de suite. Mais vous voyez, c'est justement un truand, non? On dira, la poche est une salope, il peut la jouer, parce qu'il a la corpulence dans son sens. Il est mince, il est maître, il est vif. Et on verra très vite sortir un couteau d'une poche et qu'il l'emporter dans le ventre de quelqu'un. Ça, c'est normal, c'est le physique. Si j'ai mes commissaires de police, ça ne se croit pas. Mon front et moi, ce fils, je tremble un peu. Avec cela, ce fils, je suis nerveux. J'ai l'impression qu'on me regarde. Et dans la nuit où naît la peur, je les dois tendus. Je me fais combre, je me fais mûr, comme un félin, je me déplace, appelant les options de valeur, la gorge serrée par l'angoisse, voleur. Parce qu'elle aime les fourrures, la vie facile et les plaisirs, les robes de haute couture, que je ne pouvais lui offrir de peur. Chaque seconde semble une année, les bruits du monde sont amplifiés, au loin une horloge qui sonne, un craquement, une lueur, tant que je me prive tout seul, au volet. Un vide immense se fait en moi, une de silence, en français les droits, je fais les choses 4 à 4, mais à chaque bruit, chaque heure, Citons les noms de Sergio Gobbi, c'est un face-à-face, Aznavour, Robert Hossein. Oui. Dans l'histoire du cinéma, c'est un face-à-face qui compte. Oui, je pense que c'est ça. Vous vous trouvez meilleur qu'Hossein? Non. Non, parce que j'ai beaucoup d'admiration pour Robert. Parce que Robert est un acteur complet. Moi, je joue les rôles. Hossein est un acteur. Et je suis tout à fait sincère. Si vous m'aviez posé la question pour un chanteur, je ne vous aurais pas répondu parce que je ne parle pas, mais je m'en serais tiré. Parce qu'en fait, souvent, je me trouve meilleur que certains chanteurs. Donc, Mariano, par exemple. On ne peut pas la même chose. Dans le cas d'un acteur, je vous réponds tout à fait là-dessus. Mais comment je vois ça pas? Il a dû penser à un moment donné que là où je vais, j'ai du mal à l'autre. Et on s'est tous dit ça, en effet. Donc à un moment donné, il a négocié ça d'une certaine façon. Mon temps l'a fait encore d'une autre façon. Il l'a fait par ça. Des blocs, 10 ans de chansons, 20 ans de cinéma, des rôles, 50 chansons. Mais c'est vrai que c'est pas tout à fait de faire de l'art entre le cinéma et la chanson, parce que la chanson, c'est vraiment le cinéma, le théâtre, on parle de l'art des personnages, on occupe sa présence du public, etc. Ça pèse tête, ça brise, on lit une partie de nous, mais c'est une petite tête différente. C'est le chanteur qui est seul, pas ces gens qui leur parlent. Ah oui, justement, je parle de lui, je suis un peu ému. Il tue fortement le mystère. La croix est tout le mystère, et le chanteur est tout le chanteur. Je peux dire un peu de ça. Dans la culture américaine The Truth About Charlie, le personnage principal interprété par Mark Wahlberg se sert des chansons de Charles Aznavour pour séduire sa partenaire. Le réalisateur Jonathan Demme explique que pour lui, les chansons du chroneur français représentent la romance à l'état brut. If you were to play a Charles Aznavour album for a date, there was no more romantic thing you could do. Rien n'est plus romantique que de faire jouer un album de Charles Aznavour lors d'un rendez-vous amoureux. C'est vraiment la meilleure manière de séduire le cœur de quelqu'un. Never for a sleazy seduction. Toutefois, on ne peut pas utiliser la musique d'Aznavour pour une aventure sans lendemain. Non, on utilise la musique de Charles seulement pour la quête du romantisme à l'état pur. For one night stand or anything like that. No, you must use Aznavour only in pursuit of true romance. Un plaisir et demande à Steven d'apparaître dans son trailer The Truth About Charles. Il se souvient du premier jour de tournage avec Charles Aznavour. I feel very lucky to work with, you know, extraordinarily gifted people. Je suis très privilégié de travailler avec des personnes extrêmement talentueuses. Et bien sûr, c'est très captivant, mais je suis rarement intimidé par ces personnes. Toutefois, le jour où j'ai tourné la scène dans laquelle Charles Aznavour devait chanter une chanson d'amour dans une chambre d'hôtel, j'ai commencé à me sentir très nerveux. Even though he had put me at KD's every time I had spoken with him previously. And now, Aznavour shows up on the set. Donc Aznavour est arrivé sur les lieux du tournage. The crew is standing there. And now the director has to... Et je me suis demandé, mon Dieu, comment vais-je m'y prendre? Je suis donc dirigé vers lui en tremblant comme une feuille et je lui ai dit, eh bien, monsieur Aznavour, je crois que vous devriez vous placer ici, puis vous commencerez à chanter lorsque je vous ferai signe. C'est le vent turbulent sous le vent du dessous, de la pluie de printemps qui a léché. Quand tu veux, de tout ça mille choses encore. Quant à toi et moi, et bien sûr de mon corps. Prestigieux, avec des jeunes qui sont devenus des gens importants, et puis d'autres avant, comme Duvivier, René Clair, quelques étrangers, des Italiens formidables. J'ai eu finalement beaucoup de chance. Quelqu'un qui faisait sa carrière dans la chanson, quelqu'un qui était catalogué, parce que vous savez bien qu'on a reçu un costume et puis on a du mal à retirer. J'ai eu énormément de chance. You know, it's interesting because, on the one hand, what I think of immediately when I think of Aznavour as an actor, what is he best at? Là, je pense à Aznavour, l'acteur, et à ce qu'il fait de mieux quand il joue, ce qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est sa grande humanité. Il y a une profondeur chez lui. How deep and soulful. Il réussit à exprimer ses émotions à l'écran. Il incarne quelqu'un qui a le cœur brisé. Je crois qu'en raison de ses qualités d'acteur, on peut le comparer à Anthony Hopkins. I think of Aznavour in that regard in the same way that I think of Anthony Hopkins. La comédienne Annie Cordy. Oui, oui, vous la trouvez dans sa loge. Action. Comment se retrouver par le moins comme fiction? Alors là, c'est le producteur, Jean-Yves Gertier, qui a une petite idée, qui s'est appelé, je vais le connaître ainsi. Ah bien, vous trouvez, et Annie Cordy, qui se connaissait, donc on se connaissait, on n'avait jamais tourné ensemble. Et alors, c'était le premier des balles du Passat. C'était terrible. C'est vrai, vous montrez comme ça aussi. Alors, on ne peut pas comprendre quand on n'arrive pas à faire un plateau. Bonjour tout le monde. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Ça va? Oui, comment vous allez? On a besoin de ça. Sans le mec qui tire les câbles, c'est la télévision, c'est normal. Enfin, moi, c'est pas normal, les gens, c'est pas normal. La première chose qu'il faut faire, il faut se mettre à table. Une ou deux fois. Et là, vous voyez le caractère des gens, tout de suite. Autour d'un bon repas et une bonne bouteille de vin. À partir de là, c'est terminé. Alors, je vous parle crûment. On dit tellement de conneries à table, si ça dit comme ça, ça va très bien. Moi, je ne mange pas à part. Hein, je mange avec l'équipe. Une table de vedettes et puis une table des petits comédiens et une table de l'équipe, on se mélange, on convient comme ça, ce qui fait que tout de suite, on est très proche, c'est très curieux. D'abord, il est gémeaux comme moi, c'est un petit gémeaux. Lui, il m'a mis un petit marathon, et là, quelques années plus que moi, mais ça fait rien, on a la même culture, entre guillemets. Musical, c'est-à-dire qu'on a toutes les chansons françaises, mais qu'on a toutes les chansons américaines. Parce que quand on est là à attendre que le caractère fasse une lumière, nous, on a notre jeu à nous, c'est-à-dire que moi je commence une chanson et les hommes viennent de la finir. Si elle la finit pas, il est un gaz, hein. Et les personnes, c'est pas rien. Alors il peut commencer à dire, oh, would you like to swing on a star, carry you, you look over the door. You could be Elizabeth or Ben White. You could be swinging on a star. Voilà, alors c'est ça. Alors, ça sert à ce que tu dis, parce que ça nous permet d'attendre, parce que c'est long, hein, le cinéma, les petites choses. I want to be kissed as I kiss when I kiss. Oh, I want to be loved as I love when I love. I'm really looking hard and crying in the crowd. Won't you do that to me? Do that to me, oh, please. I want to be thrilled as I thrill when I thrill. Oh, please. I want to be squeezed as I squeeze when I squeeze. I'm in hurry to find just on somebody's mind the same feeling as me, feeling as me. Oh, please. Oh, so my days are empty and my life feels so lonely. My heart wants to whisper in here, I love you. I want to be kissed as I kiss when I kiss. Oui, oui, oui. I want to be hugged as I hug when I hug. I'm really looking hard and crying in the crowd. Won't you do that to me? Do that to me, too. Avoir des scènes d'amour, ça m'a toujours gêné. Alors maintenant, quand on me présente un film où bon, il y a un personnage, un monsieur qui a 50 ou 55 ans, parce que je suis pas beaucoup plus vieux, qui embrasse une femme, je dis non, je ne prends pas le film. Je veux pas. Ce n'est pas parce que je ne veux pas baiser ma femme, ce n'est pas du tout. Je trouve qu'il y a un moment où il faut plus faire. Et on a qu'à plus. Je veux le faire de manière à ce qu'on ne nous voit pas l'embrasser. Physiquement, je ne veux pas le faire. Je trouve que ça ne me va plus, je n'ai pas d'argent. Oh, my days are empty, and my life feels so lonely. My heart wants to whisper in here. I love you! As I kiss, when I kiss, oh, I want to be hugged, as I hug, when I hug. I'm really looking hard, and yelling the crowd, tell me who's gonna treat me, who's gonna bring me, who's gonna love me. Like I love, when I love. En 1982, Charles Aznavour partage la vedette du film des fantômes avec Michel Serrault. Bonjour. Il y a un moment dans le film où j'avais envie de faire viens derrière où tout c'est plus possible. Comme si vous me faites des graines, vous savez, mais je ne sens pas que c'est trop. Alors moi, je le faisais un peu par instinct. C'est des moments, des impulsions, des trucs. J'ai envie de courir sur le reclus, avec le caramel, des galettes, qui dépassent le raisonnement. Alors, comme je suis pas un monstre, je vais bien parler. C'est bien, je ne sais pas trop. C'est pas bon, mais c'est l'intérêt. C'est bon, le fait. Oui, c'est à nouveau. Ta présence m'a aidé, vous comprenez. Moi, je suis d'une reconnaissance incroyable quand les gens... Il est un peu comme moi. Je crois qu'il ne cherche rien. Il se met dans un état. Et alors, il a une très grande vérité. Parce que, je dis, en rigolant, je suis jaloux, parce qu'il y a beaucoup de chanteurs à Paris qui jouent très bien la comédie. Oui, du coup, c'est un comédien. Moi, je joue la comédie, ça fait bien ou mal, mais en tout cas, moi, ce que je pense, c'est, il chante bien, et en plus, il joue bien la comédie. Et alors, ça, c'est formidable, et c'est une leçon pour moi, parce que ça veut dire que il se réjouit, il comprend. Ils ont une spécialité, ils sont. Mais ils se libèrent, et c'est pour eux, c'est une espèce d'un bain de nouveauté. Alors, ils sont moins sabots que ça veut dire. Ils ne veulent pas, ils sont plus discrets, et en même temps, en étant plus discrets, car c'est un peu le secret, ils sont plus convaincants. Je l'ai rencontré une autre fois à propos de la comédie, c'était dans Le Comédien de Guy Chaud, que j'adore aussi. Et là, à Aznavour, il joue le repas. Je ne veux pas très bien, je suis un peu... J'ai une grosse tête, ma conscience, mais quand même, il y a des trucs que je me passe très bien en boucle pour aller voir. Quand il vient et qu'il me dit, mais tu me reconnais, il était étonnant de naïveté. C'est émouvant, c'est drôle, c'est un défi, c'est humain, c'est vrai. Voilà, alors mon rôle, j'espère, le temps il grignote, mais j'espère bien le retrouver. J'ai envie d'embrasser Aznavour. J'ai envie de lui dire merci pour sa présence depuis tant d'années, d'être aussi vigilant sur la qualité de ce qu'il fait et puis sur sa bonne sa vie. Le jour est pour toujours. J'ai fait bon ou mauvais, ce que j'aimais sur cette terre, en y priant à ma façon, à ma manière. La vie m'a fait, et je déclare, si j'ai tenu, beaucoup tendu, j'ai quand même eu. C'était Charles Aznavour, Les Comédiens, une production des radios francophones, la RTBF, la radio Suisse romande, Radio France et Radio Canada. Narration et entrevue, Monique Giroux et Francis Legault. Ont collaboré à cette émission Janine Marc-Peset, Yves Bune, Jean-Claude Arnaudon, Pierre Collardoni, Sylvie Guignard, Julie Parker, Julie Lafrenière, Hugo Robert, Serge Brideau, Yves Clérou, Marie-Claude Langlois, Marie Trudeau, Daniel Giroir. Un merci particulier à Martine Dessot. Réalisation Francis Legault, assisté de François Tremblay. datée du 31 décembre, la première n'a cessé d'émettre en onde moyenne. Pour continuer à nous écouter, basculez votre récepteur radio en FM sur la fréquence de votre ville. Vous pouvez également nous écouter en direct en DAB+, via l'application Radio Player ou sur Ovio. David Riffon, bonsoir à tous. Le hall de départ numéro 3 de l'aéroport de Schiphol à Amsterdam aux Pays-Bas, évacué ce soir par mesure de précaution en raison d'un incident, selon un porte-parole de la police militaire néerlandaise. La nature de l'incident n'a pas été précisée. D'après nos confrères du service public néerlandais NOS et la chaîne privée RTL News, une personne aurait indiqué qu'elle portait sur elle une bombe. NOS a précisé aussi que la situation était sous contrôle et qu'aucune victime n'était à déplorer. H-4, plus que 4 heures avant de basculer en 2019. À l'heure qu'il est, vous êtes sans doute en train de boire un petit apéritif ou de passer à l'entrée si vous êtes à table. Pour traiter le passage de cap, peut-être que certains d'entre vous ont décidé de se rendre au Télartifice à Bruxelles. Pour la deuxième année consécutive, les festivités ont lieu sur le plateau du Zoom. Attention, il ne faut plus trop traîner. Le site est ouvert depuis 19h30 et au-delà de 21h30, il ne sera plus possible d'y accéder. Spectacle musical et haut en couleur. Juste après le décompte, les amateurs auront droit à 20 minutes de feu d'artifice. Voilà qui contraste quelque peu avec la situation au Cameroun. Une partie des habitants de Douala, la capitale économique, va cesser le nouvel an sans électricité. Conséquence d'une coupure survenue il y a plus d'une semaine déjà. Cette grosse panne affecte deux des 5 arrondissements de la ville, mais aussi de 2 millions d'habitants. La coupure a été causée par l'affection d'un câble électrique souterrain par un jeune qui creusait un trou pour installer des bulles de football sur un terrain vague. C'est ce qui explique l'entreprise en charge de la distribution d'électricité. Aux États-Unis, dans un de ses derniers discours, dans un de ses derniers tweets de 2018, Donald Trump a confirmé que le retrait des troupes américaines de Syrie serait lent, tout en réaffirmant son succès face aux groupes État islamique dans la région. Ce qui justifie selon lui sa décision militaire. Le président américain a donc tweeté cette information. 2000 soldats américains sont actuellement déployés dans le nord de la Syrie. Les troupes essentiellement de forces spéciales sont présentes pour combattre le groupe terroriste islamique et former les forces locales dans les zones reprises d'Yémen. Et puis de nouveaux sauvetages de migrants en Méditerranée ces dernières heures. Les forces armées maltaises ont porté secours à 180 migrants ce lundi au cours de deux opérations de sauvetage. Un patrouilleur a tout d'abord recueilli 28 migrants qui se trouvaient à bord d'un canot pélagique à 15 km au sud-est de l'île de Lande. Et 162 autres personnes sont passées à bord d'une embarcation en bois, non loin de là. C'est la plus importante mission de sauvetage menée par Malte depuis de nombreux mois. Il y a déjà 69 migrants à bord d'un navire en détresse au sud-est de Malte. Voilà pour l'info, très belle soirée. C'est ici que se terminent les émissions de la première heure. Elles reprendront à 6 heures, mais les programmes se poursuivent en FM. La première vous souhaite une bonne nuit. Thank you.